On vient avec un micro sur Belleville, en tout cas. Certains sont déjà venus. Et on est venu à l'invitation du collectif de la Maison de l'air, une maison pour toutes et tous. Et du coup, on va commencer par une présentation un petit peu de cette lutte, parce qu'en fait, il y a une lutte là, tout en bas de nos pieds. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, donc on va faire un petit point là-dessus. Et après, l'idée, c'est d'ouvrir. Et même si vous venez juste prendre des photos, voir la vue de Paris, si vous êtes des gens du quartier, si vous êtes des habitués de cette place et de la Maison de l'air, nous dire un petit peu ce que vous avez envie d'en faire, parce que c'est important d'avoir des lieux comme ça où les gens peuvent se faire collectivement. Et voilà, c'est toujours intéressant en fait d'avoir vos apports, vos idées, vos envies. L'année, elle a été un petit peu difficile. Donc on se dit, voilà, 2021, ça va être une année de ouf et on va faire plein de choses ici. Bonjour. Bon, nous revoilà. Le collectif Maison de l'air, qui s'est constitué en 2016 de manière complètement informelle, parce que nous avons entendu de manière complètement officielle que l'ancien musée municipal qui était la Maison de l'air, où il y avait une initiation aux petits, à tous les adolescents, les gamins des écoles et les lycées du quartier passaient par là, pour et comprendre ce que c'est que la qualité de l'air et la pollution. Donc ce musée malheureusement a été étouffé par la ville de Paris, sans qu'il crie gare et sans qu'on... etc. Donc nous nous sommes un petit peu inquiétés et avec les voisins, les voisines, les habituels du parc, on s'est regroupés puis on a commencé à réfléchir. Mais ok, qu'est-ce qu'on aimerait ? Et ça, c'était en 2016. Et inquiets, nous nous sommes adressés à la ville de Paris qui a fini par nous répondre qu'après un appel à idées qui avait été assez confidentiel, surtout aux de certains professionnels, il en est sorti que 4 idées innovantes ont été proposées pour ce bâtiment. Ce bâtiment ainsi qu'une vingtaine d'autres bâtiments dans des squares et ville de Paris. Donc, les 4 idées géniales, c'était culture, environnement, solidarité et restauration. Et puis, la ville de Paris a choisi cette idée géniale et très innovante, la restauration. Bon, parce que ça a été de longues années. En tout cas, toujours est-il que nous nous sommes mobilisés petitement et grandement avec des rassemblements parfois ici au Belvédère ou dans le parc Parson. Et depuis un an et demi, nous avons un rendez-vous symbolique tous les mois, le premier dimanche de chaque mois, où nous continuons à informer, parce qu'un tas de gens ne sont toujours pas au courant de l'existant, et aussi solliciter les gens et inviter les gens à venir nous rejoindre pour que nous constituions très très largement un projet collectif pour que ce lieu reste au quartier, enfin, redevienne au quartier, que ce lieu puisse être réfléchi collectivement et que nous fassions un projet structuré avec un maximum de gens, que ce lieu représente, enfin, c'est un lieu très symbolique hein, dans Belleville, l'emplacement, et ça peut être un outil de mutualisation de beaucoup de pratiques. Donc, nous avons récolté depuis 3 ans ou plus et de ce que les gens ont envie de faire. Et en fait, dans l'ensemble, ça tourne sur l'éducatif, sur l'écologie et en tout cas sur le partage. Et donc, voilà. La mairie, la municipalité nous a vraiment confirmé ce qu'on avait su officiellement, que ce ne sera pas un restaurant. Donc, ça déjà... Notre lutte a abouti sur au moins l'élément le plus important pour nous réunir. Et il semblerait que, en tout cas, côté 20e arrondissement, la municipalité serait, ça y est, aurait compris qu'on peut, fort conscience, et nous espérons qu'ils iront jusqu'au bout, de faire ce lieu soit autogéré par les habitants, que ce soit des individus ou des structures, des gens, des représentants des associations, des collectifs. Donc voilà en quelques mots. Actuellement, il est occupé par Jean, qui a été parachuté ici au beau milieu de notre mobilisation, et par Madame Hidalgo. Elle a conçu avec ces gens-là ce qu'elle a vu. Elle a vu un civic hall à New York. Donc voilà, elle a voulu créer une civitech ici. Et voilà, donc c'est ces gens-là qui, depuis un peu plus de deux ans à peu près, occupent les lieux, mais sans aucun but d'ouverture, sur tout cas. Donc voilà, ces gens ont eu pas mal de subventions pour être là. Et ils font de la location d'espace. Enfin bon, bref, on ne va pas trop s'étendre. Normalement, ils devraient quitter les lieux par une autre prolongation. Mais en tout cas, voilà, on fait un appel au plus large pour que les gens viennent nous rejoindre et qu'on puisse établir et structurer un projet avec aussi une réflexion sur la gestion, le fonctionnement. Et pour pouvoir rester complètement autogéré. Donc, collectif Maison de l'air, peut-être je repasse la parole. Aujourd'hui, merci beaucoup, EducPop debout, Éducation populaire debout. Et en tout cas, bienvenue. Et voilà, on va faire circuler certainement le micro. Si vous avez des désirs, une volonté de venir nous rejoindre, vous impliquer avec nous pour continuer la bagarre, parce qu'elle n'est pas finie, et puis sont les bienvenus, et vos paroles aussi. Ok. Donc oui, effectivement, là, en ce moment, il se passe pas mal de choses. Autour de nous, dans Paris, à Bellevue, on a une situation assez particulière. Et c'est vrai que la semaine dernière, samedi dernier, nous étions présents sur la place de la République et nous avions proposé une prise de parole un petit peu libre où beaucoup de gens nous ont fait des témoignages dont certains étaient très poignants. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, il y avait ce besoin de prendre la parole. Ce besoin de se réunir, ce besoin de solidarité. Et c'est vrai que une maison de l'air ici, a priori, je pense que ça peut avoir du sens. Mais en fait, c'est pas moi qui vais le dire. Parce que moi, je suis pas de Belleville, je suis pas parisien, je suis plutôt du 93, donc j'en sais rien, en fait. Et on a envie peu, également de vous entendre, de savoir ce que vous avez envie. Ici, sur Belleville, savoir voilà ce que comment vous allez, ce que vous allez bien, je ne sais pas, et vraiment voilà de partager, de venir témoigner. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de nous dire là quelque chose présentement, tout de suite? Le premier, c'est toujours le plus. Oh. Il y en a un là-bas. Oh, cool. Peut-être le premier. Faut que tu viennes à moi. Salut. Alors, du coup, je me demandais, il y a quoi comme espace exactement? Parce que tu disais avant que c'était juste sous nos pieds, le bâtiment inutilisé, du coup, personne. On sait pas trop quoi ils font ici, mais en tout cas, rien pour le quartier. Du coup, il y a quoi comme espace à utiliser potentiellement pour les gens d'ici? Est-ce qu'il y a même moyen d'utiliser le parc ensuite? Je sais pas. C'est des salles. Le bâtiment de Maison de l'air fait partie donc du parc. Il a été construit en même temps que le parc, ça devait être une serre. Et en fait, il y a 650 dont 500 et quelques en plein, de plein pied, et puis une centaine qui sont en premier étage, juste en dessous, par ici, qui sont plutôt des bureaux. Donc, Île de Paris, ça appartient à Parc et Jardin. Et actuellement, donc les gens qui sont là, c'est des gens qui travaillent. C'est un regroupement d'associations qui travaillent, voilà, qui font parfois des portes ouvertes. Donc voilà, techniquement, 10 mètres carrés, qui sont difficiles à chauffer, qui sont actuellement très chauds l'été parce que c'est complètement vitré. Vous avez, on peut les voir donc juste en dessous. Et voilà, il n'y a pas d'accès de la rue, on y accède par le parc. Et ce qui fait que c'est un lieu qui est un peu contraint aux ouvertures du parc. Voilà, avec des aménagements, voilà, techniquement. Ok, donc on a un lieu. C'est cool. C'est... Hein, c'est super d'avoir un lieu, en fait. Oui, ok. Ok, donc je disais, aujourd'hui, ici sur Belleville, vous avez la chance d'avoir un lieu, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dedans ? Je ne sais pas, s'il y a des pères, des mères de famille, est-ce que vous avez envie de faire des choses avec vos enfants ? Est-ce que vous avez envie de culture ? Est-ce que vous avez envie de lieu pour se réunir, pour des discussions un petit peu, comme on est en train de faire là ? Voilà, c'est un petit peu... moi, tout ça, quand on m'a dit il y a quelque chose là, en dessous de nos pieds, et c'est un peu toutes ces questions que je me pose. Donc je ne sais pas si vous avez une idée, vous. Ouais, bon, ben c'est pas très compliqué, hein, de toute façon. Non, c'est un lieu pour se réunir. Donc voilà, pour converger, un lieu vers lequel on aime. Alors, on aime converger, mais pourquoi faire ? Faut toujours poser la question, mais pourquoi faire ? Bon, c'est pas forcément pour se distraire, pour aller faire encore une de ces multiples activités qui nous sont chaque fois proposées par notre nation du loisir. Je crois que ce qui nous manque, ce dont on a besoin, c'est de parole. Donc c'est le lien de parole. Donc, je dirais parole, écoute, du temps, passer du temps. C'est passer du temps ensemble. Parler, essayer de comprendre le monde, passer du temps. Moi, personnellement, évidemment, ça dépend des choses qui intéressent chacun. Hein. Bon, moi, j'aime bien, par exemple, faire des petites réunions où il y a une guitare, on chante. Ça, j'aime bien ce genre de truc, de temps en temps. Je trouve que ça donne beaucoup d'énergie. Je trouve qu'on a beaucoup perdu l'habitude de... et que... On a toujours cette habitude d'écouter des disques, etc., et de faire chanter les autres. Mais je trouve ça très pénible. Ensuite, comme on a l'habitude d'aller au cinéma, mais le cinéma, c'est une industrie, ça veut dire qu'il y a des milliers de films qui sont produits, mais c'est abominable. Hein. Moi, je trouve que regarder, je suis un peu passéiste, j'aime bien le... Il y a d'excellents films qu'on peut regarder ensemble. Créer par exemple un ciné-club, on se réunit. Moi j'aime bien ce genre de truc. Moi comme je suis un peu un télo, moi j'adore les livres, je collectionne les livres, j'aime bien avoir des livres sur tous les sujets. Je suppose qu'il y en a parmi vous aussi. Ouais. Voilà. Donc ça serait bien que, vous voyez, il y a un lieu comme ça où chacun puisse amener des choses qui nous intéressent. Tiens, moi j'ai lu ça. On fait des photocopies, on laisse un livre, voilà. C'est intéressant de voir à quoi s'intéresse, qu'est-ce qui est important pour chacun de nous. Il y a des tas de choses, si vous voulez, des tas de sujets dont vous ne savez même pas qu'ils existent. Et quand quelqu'un vous les fait découvrir, et vous n'êtes pas seul, peut venir vous en parler, je trouve que c'est très intéressant. À l'heure actuelle, il y a un besoin d'information. Chacun va se ficher sur l'habituel Internet, si vous voulez, on n'y connaît rien. Mais quand quelqu'un vient vous parler de quelque chose aussi, c'est plus intéressant. Donc voilà, des échanges de documents. Je trouve aussi que c'est bien de... quand on a réussi, si on réussissait à faire ici se rassembler de temps en temps une centaine, 200 personnes. C'est faire venir un conférencier, faire venir quelqu'un de l'extérieur sur un sujet qui nous intéresse et provoquer un débat à partir de sujets importants. Pour moi, à l'heure actuelle, je suis intéressé par la médecine. Je trouve qu'il y a une dégradation extraordinaire de la notion de santé. Les maladies s'accumulent, ça, il n'y a pas de problème. Donc je trouve que c'est un sujet, par exemple, important. Donc voilà quelques idées. Donc le micro est libre. Moi, je ne connais pas l'historique un peu de votre action. J'aimerais savoir quelles sont les réactions des groupes déjà constitués ici. Par exemple, s'il y a un jardin partagé, comment vous êtes vu, votre collectif est vu par des associations déjà implantées dans le coin. Bonjour. La question, donc, c'était comment on est vu par les associations qui sont déjà dans le quartier. Moi, je voulais juste. En fait, juste une seconde. J'ai vu donc EducPop debout la semaine dernière à la manif et la discussion qui était menée par eux. Et j'étais très touchée par ce que j'ai entendu, j'ai vu. Et donc, je me suis dit, ce sera bien qu'on arrive à créer ces moments-là ici. Au Belvédère, où on essaye de créer un groupe de gens qui ont renaître cette maison en l'air qui est en bas et qui est en suspension depuis plusieurs années. Et on essaye de lutter donc en collectif, on n'y arrive pas vraiment à un but qu'on rêve. Et c'est mon avis propre, on a besoin en fait de vous, c'est-à-dire on a besoin des gens qui sont dans le quartier pour vous répondre à la question par rapport aux associations. Il y a plein d'associations qui sont déjà impliquées, qui sont au courant, qui viennent, qui partent, mais on n'arrive pas vraiment à être ensemble et à créer un projet, c'est-à-dire on n'a pas encore arrivé à ça. On fait des actions, comme Mireille l'a dit tout à l'heure, on fait des actions, j'en suis dans le mouvement, je m'implique en tant qu'artiste, en tant que voisine, mais je manque de vous, en fait, je manque de voisins, je manque des gens qui ne sont pas dans l'associatif, qui ne sont pas sur scène. Je suis artiste, j'ai l'habitude d'être sur scène, j'ai l'habitude d'agir, mais je manque des voisins, je manque des gens qui passent par là, qui ont certainement beaucoup d'idées, qui ont un potentiel énorme de co-créer ces lieux. Et pour ça, voilà, pour vous répondre et pour dire à la fois pourquoi j'avais envie qu'on se rencontre, parce que tout, on tourne un petit peu en rond avec nos idées. Et je pense qu'on manque la participation des habitants qui ne sont pas impliqués dans l'associatif. Parce que si les gens, les voisins qui ne regardent pas la fenêtre, qui passent par parc, qui viennent regarder des fleurs ou pique-niquer. Si ces gens-là pouvaient nous rejoindre, dire quelques mots, ce serait vraiment génial pour, voilà, pour continuer et créer quelque chose de vibrant et quelque chose qui fait envie à tout le monde, bien sûr, tout le monde c'est un peu large, mais au moins qu'on ouvre la porte, qu'on essaye. Et si ce n'est pas pour nous, bah, on ne reste pas, mais pour nous, voilà, on le co-crée. Donc pour vous répondre à ma manière. Ok, d'accord. Donc faire collectif, comment on fait collectif avec des gens? Je ne sais pas si ça inspire quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit? Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose? Le micro ne mord pas, enfin, je crois pas. Enfin, il m'a jamais mordu en tout cas en 4 ans. Mais voilà, libre, si vous avez des idées, je sais pas. Je me dis que on a été confinés pendant un certain temps, donc on a un peu pu réfléchir un petit peu à faire des choses en sortant. En fait, j'ai envie de réagir juste, c'est là, vient d'avoir un vol à la tirette juste ici à côté, et que c'est pas parce qu'on fait un débat ici qu'on est éteint sur le reste de la scène. On voit très bien qu'il y a dans les débats actuels au niveau du gouvernement le cadre de la sécurité qui se répète. Et ça se répète dans le sens plutôt méfions-nous les uns des autres que faisons ensemble un espace dans lequel on se sent tous en sécurité. Et c'est vrai, comme tu le disais, depuis le confinement, il y a quand même une tendance qui est favorisée par la peur, qui est favorisée que ce soit la peur du virus, que ce soit la peur de l'avenir, l'emploi, que ce soit... On peut avoir peur de tellement de choses, et moi ce qui me fait un peu flipper, c'est que du coup ça fait plutôt se renfermer sur soi, voire sur sa famille proche si on a une famille, si on est tout seul, encore plus tout seul, et aussi par les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, ça peut être une ouverture, mais ça peut être aussi un renfermement dans certaines bulles idéologiques, certaines bulles professionnelles aussi. Et moi je me demande si cette maison ici en dessous, ou bien de paroles comme cela, ça peut être des espaces dans lesquels on peut aussi exprimer nos peurs en fait. Mais ça veut dire sans avoir honte de dire bah voilà, moi je suis isolée, je sais pas trop comment faire pour faire quelque chose autour de chez moi. Moi aussi j'ai besoin d'aide pour pouvoir exprimer de l'aide en fait à un moment. C'est pas évident de dire j'ai besoin d'aide, où on est habitué surtout en France à demander de la sécurité ou de l'aide auprès de quelqu'un qui serait autorisé, alors ou bien le gouvernement, ou bien la police, par exemple. Et je pense qu'il ne faut pas laisser de côté, en fait, cette question de la sécurité et cette question de la peur, et comment on peut un peu s'aider les uns les autres par rapport à ça. C'est pour ça que je réagis sur ce qui vient de se passer là, parce que ça fait partie quand même de l'environnement ambiant. Et si on le met de côté, on fait quelque chose, et on va laisser d'autres, avec un potentiel autoritaire, après chacun a son avis là-dessus. Donc, à quel moment est-ce qu'on peut faire un collectif qui va permettre aussi de se protéger les uns les autres? Ça demande déjà quelque chose qui est assez discuté avec des visions potentiellement opposées. C'est-à-dire que pour certains, se sentir en sécurité, ça va être d'avoir une maison avec des grilles devant, des caméras, etc., pour pouvoir tout vérifier. Pour d'autres, se sentir en sécurité, ça va être de faire comment, de connaître ses voisins, de connaître les autres voisins, de connaître un peu tout le monde, de savoir quand quelqu'un a un problème, comment l'aider. Pour d'autres, se sentir en sécurité, ça va être d'avoir un numéro vert à appeler dès qu'il y a un problème. Enfin, voilà. C'est important pour savoir, en fait, à un moment où on vit dans un espace commun, est-ce qu'on l'habite ensemble en se protégeant les uns les autres, ou est-ce qu'on l'habite ensemble en s'opposant les uns aux autres pour essayer de garder un peu ce qu'on a à soi. Et je dis ça un peu de façon clivée, mais ni l'un ni l'autre. Parce que quand on choisit de le faire en s'aidant les uns les autres, bah, ça demande quand même vachement d'efforts. Vachement d'efforts, parce que souvent on n'est pas d'accord. Parce que, en fonction des difficultés de chacun, il peut y en avoir un qui profite à un moment, l'autre qui profite à un autre moment. Enfin, clairement pas évident, on va pas dire que... La solidarité, pour pouvoir être solidaire envers l'autre, il faut déjà se sentir un peu bien avec soi-même ou avoir confiance en l'autre. Et pour avoir confiance en l'autre, il faut déjà commencer à échanger. Enfin, je dis des choses un peu bateau comme ça, mais en fait, c'est un peu ce que je vois en difficulté en ce moment par rapport à la division, accentuée par cette peur, accentuée par les politiques qui surfent dessus, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas les politiques qui instituent tellement les choses, elles surfent sur quelque chose qui est déjà existant. Et si ça passe, c'est parce que c'est déjà un peu existant. Donc voilà, moi, c'est un peu la question que je voulais poser aux personnes présentes ici. En effet, c'est pas facile de parler au micro, c'est pas facile d'exposer ses peurs, ses ressentis. En effet, la semaine dernière, sur la place de la République, c'est ça qui était assez intéressant. Il y a des gens qui sont... Je me rappelle d'une étudiante qui est venue dire « Non, maintenant, j'ai peur. J'ai peur de rencontrer les autres, parce que j'ai peur du virus, parce que j'ai peur du métro, parce que... » Et elle disait « J'ai 18 ans et je vis dans la peur et je veux pas de cette vie-là. Et j'ai pensé à me suicider hyper souvent, mais du coup, j'ai même peur de mourir. » Là, on rentre dans... C'est qu'on ne peut pas vivre comme... Donc, voilà. Voilà. Voilà, moi, ce dont j'ai peur, du coup, je vais commencer par moi, c'est que ce renfermement continue un peu et qu'en fait, à un moment, on n'arrive plus à se parler tellement on est sur des pensées clivées. Alors que ce soit racisme ou autre chose, hein, d'ailleurs, c'est même pas forcément cette question-là. Hein. Peut-être que ça va être, ah, tu fais ce travail-là, je te parle pas, parce que ce travail-là, ça veut dire que tu penses comme ça. Enfin, je veux dire, on peut se cliver sur tellement de sujets. Et il y a un moment... Il y a un moment quand on est tellement habitué à penser quelque chose, on est sûr d'avoir raison. Et du coup, l'autre qui apporte autre chose, on va se bloquer directement. Alors que, alors je vais pas dire que c'est facile, mais même sur des sujets hyper opposés, il y a un moment quand, moi j'ai un peu cette expérience-là, quand on part, on se rend compte qu'il y a des choses en commun. Quand on part de l'idéologie, on va sur des blocages. Mais si on part du ressenti, on va se dire, ah mais en fait, ok, j'ai été amené à penser ça parce que j'ai vécu ça. Et comme j'ai vécu ça et que je suis avec d'autres gens qui ont vécu à peu près les mêmes choses, ça me fait penser ça. Toi, tu as une vie complètement différente qui t'a fait passer par... Tu penses ça. D'accord. Mais du coup, dans notre ressenti, on est un peu commun. Mais ça fait qu'on n'est pas arrivé au même point. Ok. Qu'est-ce qu'on peut trouver à faire ensemble et sur quel point on reste pas d'accord? Bah oui, de toute façon, on ne sera pas jamais tous, tous d'accord sur la même chose. Mais bon, voilà, c'est... Parce qu'à un moment, sinon, même les renier, et là, on arrive à des trucs un peu flippants. Bon, voilà. J'ouvre la parole là-dessus, c'était pour... je pense qu'on a vraiment chacun à s'apporter du ressenti des autres pour éviter justement de s'enfermer. Et là, on l'a vu, juste terminer là-dessus, encore plus avec, avec la notion de cette maladie, avec plein de choses qui sont parties autour sur... les différents avis des médecins, les différents gouvernements, ou même dans des familles, on arrive à s'opposer complètement au virus ça et les masques ci et les masques ça. Oh, mais en fait, c'est déjà qu'est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut ensemble. Bref, voilà. Du coup, encore une fois, pour les personnes qui nous rejoignent, le micro est libre, il est ouvert à toutes et à tous. Vous pouvez parler de vos peurs ou de vos envies, de tout un tas de choses qu'on pourrait éventuellement faire lieu qui est en dessous de nos pieds. Donc moi je vais parler. Après, pour juste me situer, moi j'habite pas du tout dans le quartier. Donc je pense que je peux donner des idées, mais c'est plus aux habitants du quartier de faire un cadre de vie dans son quartier. Après, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit la collègue. C'est un peu du ressenti. C'est aujourd'hui, depuis, je pense, depuis 60 ans, la politique, on a mis que des pansements. Et en fait, on va dire la source du problème. Par exemple, je vais partir sur le racisme, les racistes policiers, etc., et tous ces racismes-là. On va juste mettre des lois pour faire des pansements, pour faire croire que, en gros, l'État comprend les choses, mais on va pas agir sur la base du mal, qui est, sur, on va dire, la base du racisme et les bases de ces idéaux-là, qui est créer des lieux justement ouverts pour rencontrer la diversité, former les gens, former les personnes prennent la différence et qu'il y ait une rencontre entre les diversités qui existent. Et moi je trouve que ça serait en fait ça qui serait intéressant de créer aujourd'hui un peu partout à Paris, même on va dire partout dans la France, qui est de créer en fait, de pouvoir créer dans chaque quartier, comme là, c'est créer des lieux où il y a des associations, où il y a des débats qui sont produits, on propose de la culture, puisque la culture, je trouve que c'est un secteur important, on en a tous besoin, ça nous permet aussi d'apprendre des choses et de comprendre un peu les choses grâce à la. Après moi, par exemple, dans mon quartier, chez moi, j'ai fait un potager à ma résidence HLM, dans ma cité. Et du coup, il y a, en fait, il y a beaucoup de choses, je pense, qui peuvent être faites. Après, j'irais peut-être le problème de certains blocages, c'est que, en fait, c'est, je pense que le plus important, c'est aussi de voir, d'écouter ce qu'on essaie de faire là, c'est faire des espaces où on écoute en fait ceux qui habitent, et d'écouter ceux qui habitent et pas les élus, etc., qui n'habitent pas le quartier, qui n'ont peut-être pas les mêmes souhaits sur un quartier. Et du coup, voilà, dans le lieu, moi, je verrais des associations, des débats, des espaces culturels ouverts. Après aussi, peut-être des espaces, on mettrait des PC pour aider dans les démarches administratives. C'est une grosse problématique qu'on a en France, c'est qu'on est en train de finir. On ferme tous les services publics en France et que malheureusement, aujourd'hui, le numérique est en train de s'imposer sur beaucoup de choses et qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas utiliser le numérique pour faire les démarches administratives. Et que c'est quand même des urgences aussi administratives et qu'il faut faire certaines démarches. Et du coup, moi, je pense c'est pour virer toutes les problématiques et pas mettre juste des pansements, en fait, c'est faut vraiment avoir des lieux de rencontre, de débat dans le cadre de sécuritaire pour tout le monde et pouvoir échanger sur les divergences, sur nos peurs et que en fait et qu'on essaie de voir justement où partent les peurs de chacun et la racine de la peur. Et de s'aider entre nous sur justement aussi notre diversité de vie, notre vie propre, pour se donner des pistes et des tips chacun pour évoluer. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce qui vient de se dire ou... Voilà, en fait, on vous propose cet espace de parole libre. Attention le micro. Donc n'hésitez pas à le prendre si vous avez envie de dire quelque chose sur la situation actuellement qu'on vit sur Belleville ou même au-delà. C'est le moment. Là, on est effectivement avec le collectif de la Maison de l'Air pour toutes et tous. Mais on se rend compte que c'est parfois peut-être un peu difficile de faire de parler, d'oser s'exprimer. Sur la place de la République, les gens le font de plus en plus facilement. Il y a une habitude qui a été prise. Ici, peut-être un peu moins, mais ça ne veut pas dire que c'est le même micro, c'est la même sono. Il y a une vue qui est plus jolie ici, je vous l'accorde, que sur la place de la République. Mais voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à vous exprimer. En fait, parler, c'est comme un sport, il faut continuer à le pratiquer, sinon on perd l'envie. Là, par exemple, nous, on était habitués à la République pendant toutes les semaines, pendant une après-midi. Avec le confinement, ça s'est arrêté. Moi, j'ose plus parler maintenant. ça se perd, quoi. Si vous prenez pas l'habitude de parler en public et de dire ce que vous pensez, avoir peur de parler, en fait. Il y en a certains, ils sont immunisés à la peur de parler en public, une bonne fois pour toutes. Et il y en a d'autres, c'est un combat là, par exemple, je commence à flipper. Ok, merci d'avoir été au-delà de ta peur. Ouais. Juste, je me suis dit peut-être ce serait bien qu'on s'entraîne à parler ça ici régulièrement. Comme ça, on saura que, je ne sais pas, une fois tous les... Je ne sais pas, réfléchissons ensemble, parce que moi, à mon avis, ça va vraiment prendre très facilement, mais il faut qu'on s'entraîne. Donc, je ne sais pas, on va décider à la fin, mais comme ça m'a passé par la tête, je me suis dit, bon, ce serait cool de faire ça souvent. Et alors, allez, je reprends. Merci. Tout à l'heure, on parlait de faire des choses collectivement, de faire des actions de solidarité. Et je vois des mains qui se lèvent. Mais je suis sûr qu'il y a eu plein de trucs solidaires qui se sont faits sur Belleville, dans ce quartier. Et je serais ravi que des gens m'en parlent. Faut que tu viennes vers moi. Je suis désolé. Merci pour ta proposition. Ça a l'air super cool, je trouve. Et... En fait, on est tellement habitué à, j'ai l'impression, à poser sur des associations ou le gouvernement ou sur des corps déjà organisés ou des institutions pour aménager l'espace public, les espaces dans lesquels on vit, en fait. Et c'est un truc qui c'est une habitude qui nous bloque. On doit proposer des choses. On peut, si on lance des choses nous-mêmes, si on prend la responsabilité des lieux dans lesquels on vit et qu'on habite, on peut faire des choses incroyables. Mais pour ça, il faut prendre des responsabilités et s'engager sur, je sais pas, des choses qui nous font envie, des choses qu'on peut pas avoir par le travail ou tout seul dans son appart, justement. Je sais pas, 600 mètres carrés, 650 mètres carrés, c'est énorme, on peut faire plein de trucs dedans. Il y a des espaces pour des lieux de répétition, d'organisation, ou même juste de vie, parce que c'est vrai, on fait tout, chacun dans, pour soi dans son appartement. Et tandis qu'on pourrait avoir des espaces de vie commune, publique, en fait, même pour les gens qui peut-être... Un mélange de gens qui sont trop isolés chez eux ou des gens de la rue, comme ça, ça fait un mélange de gens, de partage. Genre des points de récupération, toute la nourriture qui est jetée. Genre, moi, j'habite en collectif justement et et on s'organise pour récupérer de la nourriture, par exemple, et ça nous fait des énormes économies, donc assez concret. Et s'aménage des salles informatiques, on s'aménage des salles de répétition, on peut faire du théâtre, de la musique, enregistrer de la musique, ça permet à plein de jeunes de s'exprimer. Bah bref, je sais pas, il y a tellement de trucs à faire et faut se lancer. Ok, donc du coup, est-ce que vous avez peut-être des témoignages de choses que vous avez fait dans le confinement? Je sais pas, je sais qu'il y a la cantine des Pyrénées qui est pas très loin, qui a fait des repas, des distributions. Voilà, je sais que ce quartier, il a une historique assez riche de gens qui ont fait plein de choses. Par rapport à ce qui vient d'être dit, pour être dans du concret, moi j'ai eu de la chance de le voir sur différents endroits où je suis passé, soit à Gonesse dans le 95, qui n'est pas si loin que ça ici, avec d'autres fous, je vais dire ça, et un collectif qui s'appelle pour le Triangle de Gonesse. On s'est battu contre un supermarché avec piste de ski dans le 95, financé par des Chinois et le groupe Auchan. C'est une lutte qui est toujours en cours. Et en fait, on organisait tous les dimanches des événements qu'on a appelés ZAD Dimanche, Zone à défendre. Et je me rappelle d'une expérience qui a été magnifique, c'est-à-dire qu'on a invité les gens à venir. Alors c'est loin hein, pour beaucoup, mais en fait c'est pas si loin que ça. Mais on avait parfois, on allait jusqu'à 70 personnes dimanche. Certes, c'était au mois d'août et au mois de septembre, donc avec un temps plutôt clément. Mais qui venaient en fait faire des ateliers. Et ça marchait à chaque fois. On demandait aux gens de venir avec des palettes, avec du matériel. Et je me rappelle d'un témoignage d'une personne que je connaissais depuis même pas 15 jours, et j'avais l'impression que je le connaissais depuis 20 ans. Il me disait, mais c'est fou parce que c'est la première fois où il y a des gens qui viennent, qui me donnent une perceuse ou des outils, qui ne me connaissent en me donnant ces outils-là pour construire des chaises, des tables, et etc., etc. Et à travers cette expérience que je vous partage, c'est qu'en fait, quand on crée des espaces de liberté, des espaces où les gens veillent les uns sur les autres, des espaces où on met tous nos égos de côté, on met en quelque sorte aussi nos étiquettes de côté, et ben ça marche. Et les gens, en fait, ils peuvent s'exprimer. Alors après, ici, faire avec votre voix et votre parole, mais d'autres, ça va être de la peinture, d'autres, ça va être de l'écriture, d'autres, ça va être de monter des cabanes avec des palettes, et chacun a sa façon de s'exprimer. Et voilà, et c'est vrai qu'ici, bah, moi, il y a quelque chose qui peut se faire, qui peut ressembler à ça. Vous avez la chance d'avoir cet espace qui est fermé, même si apparemment c'est difficile de chauffer. À Gonesse, on n'avait pas de toit, on n'avait pas d'arbre pour mettre des toiles, mais on a réussi à faire quand même quelque chose. Dernier exemple que j'ai en tête, c'est la TEP à Ménilmontant aussi, où je suis passé. Qui est un ancien jardin. Enfin, il y avait des installations sportives pour les habitants. Il y avait un festival qui était fait. Et la mairie avait un chétri avec des appartements au-dessus et compensait les terrains par un gymnase. Les habitants autour, en fait, se sont battus. Et actuellement, ils ont créé un terrain d'écologie populaire. Et c'est pareil, ce lieu est assez ouvert à tous. Les habitants, vous avez aussi bien des enfants qui jouent au foot, vous avez le dimanche des jeunes filles qui viennent se muscler parce qu'il y a des trucs pour se muscler, il y a des gens qui font du ping-pong, il y a une cantine solidaire qui fonctionne. Et c'est pareil, c'est un lieu qui est super chouette de rencontre entre les gens de Ménil et mais aussi d'autres gens qui viennent d'un petit peu partout. Donc moi j'ai l'impression, voilà, dans ces deux exemples que je vous donne, l'un est un peu plus, enfin les deux sont des, à la base, qui a ce besoin-là, tout simplement. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres expériences à nous faire partager ou d'autres envies. Le but, c'est que je fasse pas un monologue. Je suis capable de le faire, mais j'ai pas. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que Belleville a envie de nous dire? Le micro ne marche toujours pas, je vous assure. Même avec le masque. Enfin, encore plus. Vous pouvez chanter aussi, slammer, je sais pas. Je ne slamerai pas. Ok. Alors, on me souffle dans l'oreillette que j'ai pas, qu'il y a des gens qui feraient partie de collectif. Donc, si vous avez envie de vous présenter, de présenter. C'est un petit peu le moment, le lieu. Je ne sais pas. Ah. Parce que je vois quelques personnes qui nous ont rejoints, des Monica, je vois Michel. Je vois Michel, il avait une super idée. Tu veux venir nous parler de ton super idée pour le quartier, s'il te plaît? Parce que moi je ne veux pas. Viens. Bon, je vais dire alors son idée. Lui, le rêve qu'il y a des rondes musicales dans le quartier, que les musiciens se réunissent ici et après qui font les comment ça s'appelle, des déambulations, et là une pas une manifestation, mais voilà, des rondes musicales. Mais Monica, tu veux pas venir vers nous là? Monica, de partager la maison en l'air par rapport à ce que tu voudrais que ça se fasse ici, parce que sinon on va juste parler moi et Mirella, et je sais pas, c'est un peu dommage que d'autres personnes s'expriment pas, ou Mohamed, comme ça on donne, voilà, on encourage aussi les autres à s'exprimer, mais bon, pour l'instant ça prend pas. Il y a mon qui arrive. Voilà. Bon, bah, c'est une première avec vous. Hein. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Effectivement, la proposition d'Aldona, elle est intéressante. Ça peut même devenir un moment de régulier, peut-être, mais à l'intérieur, quoi, parce qu'il fait plus chaud. Hein, et peut-être même dans l'Ancy, je ne sais pas. En fait, l'idée, c'est que ça fait plus d'un an et demi qu'il y a ce type de rassemblement, que ce n'est pas évident, effectivement, de rassembler. Et, mais parce que je pense qu'il faut pousser le collectif. Et il faut vraiment se poser la question comment réunir autour d'une mobilisation aussi confidentielle que celle-là, d'une action aussi confidentielle que celle-là, c'est comment réunir des gens. Et en fait, la problématique, c'est que on y arrive. Et je pense qu'il faut qu'on puisse y arriver. Et donc, on compte sur les gens qui sont là pour donner des idées, évidemment, pour fédérer un peu plus et rassembler un peu plus. Et surtout, donner l'idée que ça ne se passe pas qu'ici, quoi. Que le fait de comme celui-là, il y a d'autres luttes qui se mènent ailleurs pour occuper des lieux qui sont le patrimoine commun, qui sont à tout le monde, pour faire des choses. Et donc, c'est peut-être dans cette voie-là qu'il faut aller. En tout cas, il y a déjà que peu, et moi, j'arrête pas de le dire et de faire chier dans le collectif. Et qu'on ne peut pas rester à quelque peu à faire ça parce qu'on va s'épuiser, quoi. Voilà. Merci pour ton expression. Tu veux dire quelque chose ? Des êtres humains comme nous aussi, c'est ce qu'on les appelle les sans-abri. Les loyers et les impôts, il n'y a pas de souci. Mais les problèmes, si c'est pour dormir, demandez Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait que pour tant que nous sommes en fait? Est-ce qu'ils veulent revenir ici pour reconstruire nos... Levez les mains, tout le monde. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Ils sont tous de nos amis. On les appelle les sans. Ils sont tous de notre famille. Notre sang est rousse comme le leur aussi. Adam et Ève dans les paradis. Vivaient tous nous, il n'y avait pas de soucis. Et sans Joseph et Sainte Marie. Pour accoucher, était sans abri. Mais ils sont tous de nos amis. On les appelle les sans abri. Mais ils sont tous de notre. C'est si Patina m'a donné à celle-là, c'est Chris, K-R-I-3-S, Noël des Sans-Abri. À votre majesté, à votre artiste, il revient. Plus fort! Plus fort! Allez, allez! Allez! Merci beaucoup. Je ne sais pas, d'autres envie de chanter, de prendre la parole. Il y a du thé, voilà. Juste par rapport à ce que disait le monsieur précédemment, il y a plein de comme ça, enfin de gros de sur Paris. Et je parlais tout à l'heure de la tête de Ménilmontant, mais il y a également dans le 18e arrondissement, il y a également une lutte en cours suite à un gros projet de bétonisation à côté. Ce qu'il faut savoir, que dans le 18e arrondissement, l'espace le plus vert, entre guillemets, où il y a le plus d'arbres, c'est dans des cimetières. C'est ce qui est un petit peu dommage, que le 18e, c'est l'arrondissement le plus habité de Paris. Enfin, dans celui où on étouffe, entre guillemets, le plus. Donc il y a des gens qui se battent là-bas pour plutôt faire un parc et plutôt respirer. J'ai en tête aussi le cinéma La Clé. Qui se bat pour garder le dernier cinéma associatif et qui font des choses formidables. Donc voilà, il y a vous ici, il y a Ménilmontant, donc il y a forcément des moyens, et je sais qu'il y a des envies de faire des liens entre tous ces gens-là. Et puis Paris, ça fait partie de l'Île-de-France, et en Île-de-France, il se passe plein de choses. Il y a plein de luttes, je vous ai parlé de Gonesse. Mais le week-end prochain, on sera présent sur l'air des vents, voilà, toujours avec le mot vent dedans, sur le terrain où il y a la fête de l'Humain, qui est menacée de bétonisation avec le village olympique. Et donc cet événement qui va réunir beaucoup de collectifs de personnes du 93 qui luttent contre les répercussions de projets liés aux Jeux olympiques, notamment à Saint-Denis. Les jardins d'Aubervilliers aussi, dans le 93, qui vont être détruits, des jardins ouvriers qui ont je ne sais pas combien d'années, pour faire une piscine et une gare. J'en oublie sûrement. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes de lutte qui peuvent, qui ne sont pas forcément aussi nombreux que vous, très sincèrement ici, mais qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent pour résister un petit peu à toutes ces choses aberrantes et aussi quelque part avec toujours cet esprit de faire quelque chose de solidaire pour les habitants et de reprendre un peu de reprendre non seulement la parole mais aussi qu'on arrête un petit peu d'avoir cette vision de Paris et d'Île-de-France de la ville merveilleuse, touristique et qu'on demande un peu plus aux habitants ce qu'ils en pensent et qu'on arrête de penser à la carte postale qu'on veut bien y faire. La dame nous chantait sur les migrants. Voilà ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens se sont émus de ce qui s'est passé à République. Mais malheureusement, c'est les copains de Solidarité Migrants Wilson et d'autres collectifs le voient au quotidien. Là, on l'a vu, c'était à République. Il y avait des caméras, il y avait des élus, il y avait de la presse. Mais souvent, sur les bords du canal, à Saint-Denis, il n'y a pas tous ces gens-là, même si de temps en temps, il y a des élus, de temps en temps, il y a de la presse, mais peut-être pas autant que là, c'était très symbolique. Donc voilà, ça aussi, quelque part, c'est la politique d'invisibilité des migrants, qui est aussi pour la carte postale, qui est aussi pour les Jeux Olympiques. Et en fait, on s'aperçoit que toutes ces choses ont des liens. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, quand on parlait de justice sociale, justice écologique, on est clairement toujours en plein dedans, en plus de toutes ces lois sur les libertés, etc. Donc, en tout cas, moi, c'est là je donne mon avis personnel, et après, peut-être me dire s'il est pertinent ou pas, qu'on en a besoin de ce type de lieu. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Voilà. Donc, encore une fois, le micro est ouvert, et si quelqu'un a envie de dire quelque chose... Et je pense qu'on doit faire beaucoup plus pression sur les institutions publiques, justement, pour qu'ils se rendent compte que, surtout dans des quartiers comme Belleville, où il y a encore pas mal de précarité, un quartier encore très populaire, il faut qu'ils donnent, il faut qu'ils investissent dans des lieux comme ça. Que ces genres de lieux, par exemple, soient donnés à des collectifs sans qu'on demande un loyer, facilitent l'entrée dans l'accessibilité de ce genre de lieux pour réunifier, pour que les gens se retrouvent, que les gens puissent réfléchir ensemble. Mais je pense que, quelque part, il y a peut-être une peur, justement, et que les gens réfléchissent ensemble. Mais c'est pour ça qu'on continue à être là. On continue à être là, bien qu'on ait quand même réussi à liquider le projet de privatisation chic et cher, quand même. Merci. on continue à être là parce qu'on veut être sûr que ce lieu reviendra au quartier, reviendra à un maximum de gens, sans que certains puissent en tirer des petits bénéfices. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on continue à être présent tous les mois, à être présent dans des forums pour que les institutions, et on commence à avoir... on a un tas d'élus qui sont favorables à notre projet, mais je pense qu'il faut qu'on fasse pression, qu'on continue à faire pression et pour que ce soit pas que ici, qu'à la limite chaque quartier est un lieu comme ça où on réfléchit, on échange, on s'entraide et qu'il y ait une passation d'un savoir-faire et Pour signaler quand même deux lieux, donc il y a par exemple la toute petite place, donc sur la toute petite place Saint-Fargeau, on se réunit de façon habituelle le samedi entre 11h et 13h. Bon, là, c'est rien du tout, hein. C'est juste savoir que sur la place Saint-Fargeau, il y a toujours quelqu'un le samedi à 13h. Non, c'est quelqu'un, il a du café, il a du thé, et voilà, si on en veut discuter, voilà. Sur une place, c'est pas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des arbres, donc vous pouvez amener une affiche, vous, là, sur les arbres, vous avez un petit mur, vous pouvez amener des textes, etc. Donc, évidemment, au début, il y a 3 personnes, après, il y a 4 personnes, après, il y a 5 personnes. Et un lieu, si vous voulez, il commence à vivre quand les gens ont une habitude d'y venir. C'est ça qui fait que le lieu peut-être commence à exister. Je signale aussi une réunion habituelle d'un tout petit groupe de gens, d'un résidu, de gens qui pourraient s'appeler Gilets jaunes, qui se réunissent en principe quand les cafés sont ouverts, tous les mercredis, 18h, 19h, au café de l'Impondérable. Donc voilà, quelques personnes, on peut discuter de tout, de politique, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Donc voilà, le mercredi, 18h, 19h, au café de l'Impondérable, qui est très très sympathique, et dans lequel on peut disposer d'un micro et d'un accueil chaleureux. Merci. Je pense aussi pour les luttes. Je mets un bémol sur la personne qui a dit qu'il faut faire pression sur les institutions, oui. Mais je pense qu'il est... et là, je fais ma pensée, là, c'est ma pensée très politique, qui est, je pense, que des aides comme l'Amnam des Landes, des aides comme il y a plein en France qui ont des projets inutiles et qui ont des projets de merde, qu'on veut pas, comme des squats qu'à ouvrir, comme des lieux vides, comme des réquisitions à faire en France. Aussi passer par là à justement faire comme des ZAD, c'est-à-dire s'approprier un espace, le bloquer et faire une vie locale dessus, ouvrir des bâtiments qui sont vides et inutilisables et loger des gens dedans. Et je pense que ça peut passer aussi, puisque je pense que plus justement on va construire des luttes locales et plus on va prendre des territoires locaux et plus on va construire, on va avoir une densité locale, ZAD, etc., de plus en plus nombreuse. Moi, justement, aussi, l'institution aura de pouvoir sur la... Et je pense que ça passe aussi par ça, justement, c'est prendre des lieux, les tenir, comme les ZAD, et se passer de l'institution, et aussi faire pression sur l'institution, mais je pense faire que pression sur l'institution, aujourd'hui, ça marche pas. Juste envie de dire, depuis 60 ans, on fait des manifs, on fait etc., et depuis 60 ans, c'est bouffer nos luttes sociales, et on perd tout, on perd beaucoup de liberté en France, depuis 60 ans. Et je pense que aller voir, aller toquer à la porte de nos députés, etc., c'est pas la seule solution. Il y a aussi la force et imposer un peu aussi ce que la population veut et imposer nous ce qu'on veut à l'institution et pas passer par l'institution à chaque fois. Ok. Est-ce que quelqu'un aurait un commentaire ou quelque chose à dire par rapport à des lieux ou pas? D'accord. Juste ce que je voulais dire, pour rebondir ce que vous disiez, monsieur, à Gonesse, il y a 10 ans, ils étaient 10 quand ils ont commencé. On a réussi à mobiliser beaucoup plus de personnes, à faire une marche jusqu'à Matignon. On était 5000, peut-être que je m'enflamme, mais enfin, en tout cas, on était très très nombreux. À La Clé, à Paris, ils ont occupé. Et du coup, ils ont fait une occupation citoyenne qui est toujours en cours. Et ils ont même eu au tribunal la chance, en fait, d'avoir un espèce de permis de probation de 6 mois. En gros, le tribunal a dit « Votre projet, il est intéressant, donc on vous laisse continuer à le mettre en place. » Et actuellement, il y a une cagnotte, je ne sais pas si c'est Litchi, mais voilà, une cagnotte informatique pour que l'association et pour que vous, tout le monde, tous ceux qui sont sensibles à ce projet, puissent racheter le cinéma. J'espère que ça marchera. Ça avance pas des masses, je vous avoue, le montant de la cagnotte, mais en tout cas, voilà, l'idée est là. Et c'est vrai que moi, je pense qu'aujourd'hui, faut pas avoir peur quand on parle d'occupation. Voilà, c'est peut-être effectivement une solution, une zone à défendre. Pourquoi pas se déclarer en zone à défendre. Moi, j'ai envie de dire, voilà, ça peut être aussi quelque chose. Mais en tout cas, surtout, faut qu'il y ait une base commune et que ça vienne, comme vous l'avez dit, un peu du plus grand nombre d'entre vous. Et après, bah voilà, les, comme on l'a dit, il y a d'autres, d'autres personnes qui luttent à droite, à gauche, les rencontres, faire des moments festifs. Voilà, le thé café, c'est super. Je sais qu'il y a, voilà, y a plein de cantines solidaires dans le quartier. Pourquoi pas faire des choses avec eux, proposer des repas. Enfin, vraiment, voilà, moi, c'est des petites idées comme ça que j'ai. De par des expériences dont j'ai fait partie, je vois qu'il y a marqué Maison du Peuple. Je ne sais pas ce que vous mettez derrière Maison du Peuple. Pour certains, la Maison du Peuple, c'est quelque chose de très social. Pour d'autres, c'est, bah, y en a qui les détruisent. La Maison du Peuple à Saint-Nazaire, malheureusement, n'a pas survécu. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire que faut pas s'appeler Maison du Peuple. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher ici. Et voilà, moi je le dis souvent, des fois, utopiste, ça fait du bien de parfois de rêver de choses qui potentiellement on se dit au départ, ah bah non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Gonesse en est là le plus bel exemple et le dernier en date. On n'a jamais gagné contre eux. On n'a toujours pas gagné, puisque l'urbanisation est toujours d'actualité et la gare en plein champ du triangle de Gonesse, alors qu'il n'y a que des lapins autour, bah, elle est toujours d'actualité, qu'on continue à essayer de faire pression. Alors même M. Roll Tanguy, qui était le haut fonctionnaire qui a été missionné par notre président pour le devenir du triangle de Gonesse, a mis dans son rapport qu'en fait il fallait que ces terres restent agricoles. Donc du coup, ce qui nous étonnait, mais agréablement surpris. Donc du coup, voilà, à Gonesse, on essaye de faire en sorte que bah, l'autonomie alimentaire, des mots, mais pas que des mots, dont on a entendu de plus en plus finement. Je rappelle qu'en Île-de-France, dont Paris fait partie, on a une autonomie alimentaire de un jour et d'une matinée, ce qui est quasiment rien par rapport à la population qu'on a actuellement. Et qui a des essais sur, on va dire, la grande couronne et la petite couronne, qui ne demande qu'à faire de la permaculture, qu'à faire de la production directe, pas forcément du bio, parce que l'île de France a des sols très pollués, qu'à Paris c'est possible, chose, et pas que dans des bacs. Il faut arrêter, on va dire, le greenwashing. Actuellement, on demande aux entreprises de ne plus faire des ruches avec des abeilles au-dessus de leur toit, parce qu'il y en a trop et il n'y a pas assez de fleurs pour que les abeilles chinent. Donc, voilà, faut arrêter avec ces bêtises. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que tous les ans, il y a un pépiniériste qui fait des arbres pour planter dans Paris. Et du coup, on est obligé d'en passer des arbres tous les ans, au détriment d'autres arbres qui parfois peuvent rester plantés et continuer à vivre, mais qu'on détruit parce qu'il faut absolument mettre les arbres qu'on a fait planter à la place. Le nombre de terres qui sont déplacées à Paris, c'est juste aussi hallucinant. Une politique, mais qui est en marche sur la tête. Mais bon, on veut mettre de la verdure et on veut végétaliser des places. Donc c'est un petit peu... voilà. Tout ça, en fait, moi je le sais parce que j'ai rencontré des gens dans des endroits, comme la Maison de l'air, dans des endroits de partage, de savoir, de partage, d'éducation populaire. Et j'en ai plein d'exemples un petit peu comme ça. Et du coup, je suis un peu parti, je sais pas où. Mais voilà, donc pour revenir sur NES, ce qui est ultra important, c'est qu'on a un projet alternatif aussi. Parce que c'est bien d'être contre quelque chose, mais proposer quelque chose comme le projet Karma, où il y a l'idée d'implanter une ferme pour non seulement apprendre les métiers, les nouveaux métiers de l'agriculture, mais également se poser la question des déchets. Aujourd'hui, en Île-de-France et à Paris, les déchets, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et il y a quasiment, sauf des copains là, qui tout un tas de choses et qui en font du compost. Mais en tout cas, il n'y a aucune réflexion sur comment on traite nos déchets. Et après, vous voyez les reportages où dans des pays, il y a des tonnes de déchets qui viennent de France et d'autres pays en VDN. Donc voilà, il y a plein de choses en ce moment. Il y a plein de gens qui plantent plein de choses à Paris, en Île-de-France. Et tout ça, c'était un peu avant le confinement, ça a continué avec le confinement. Il y a des portes qui s'ouvrent aujourd'hui, on ne peut plus nous dire « oui, vous êtes des altermondialistes, des je ne sais quoi », tous les clichés qu'on peut entendre. Parce que la vérité, elle est là. Parce qu'il y a des gens qui ont été, n'ayons pas peur des mots, qui ont été sauvés par des initiatives solidaires, par des gens qui ont fait à manger, qui ont dit des personnes qui ne pouvaient plus. À Aubervilliers, dans le 93, ils ont fait une pizzeria mobile. Et je trouve ça une initiative qui est super cool. C'est-à-dire qu'on va, avec les habitants, on va les voir, on leur propose des pizzas à prix libre. Et une partie de moi me dit, c'est dommage, mais ça marche plus qu'une bibliothèque gratuite, par exemple. Aujourd'hui, vous allez en pied d'une cité, vous allez proposer des livres, personne ou très peu de gens viendront, mais vous proposez des pizzas à prix libre, et même vous demandez aux gens, venez avec nous et on va les faire ensemble, ça marche. Et à Aubervilliers, ça marche, même s'ils ont besoin d'un petit peu d'aide en ce moment, et ça s'appelle la pépinière, et je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils font, parce que c'est admirable. Et la pépinière, ils sont en lien aussi avec la cantine des Pyrénées, avec tout de collectifs et de choses dont on connaît bien ici. Donc je vais arrêter ce monologue, ce deuxième monologue beaucoup trop long, mais pour vous dire qu'il se passe plein de choses. Et qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul, mais effectivement, c'est compliqué de se coordonner. Et des fois, c'est fatigant. Et encore une fois, moi je vous invite vraiment, si vous pouvez venir le week-end prochain, dimanche prochain, à la Courneuve, faites comme si c'était la fête de l'UMA. Alors on n'aura pas des gros cons anticommunistes, mais il y aura tout un autre chose, il y aura de la soupe chaude et des gens très sympathiques et que je vous invite à connaître. Moi, certains, je les ai connus depuis 4 ans, un mouvement où on était debout. Qui a donné ce qui a donné la conclusion, mais en tout cas qui nous a fait rencontrer beaucoup de gens, qui a créé ce réseau, et aujourd'hui ce réseau est toujours vivant, et la preuve, on est là ici même un peu grâce à ça, et on s'est enrichi, on s'est émancipé aussi. Moi c'est un mot que j'ai pas entendu de la journée, le mot émancipation, un mot hyper important, parce que peut-être, et je l'espère, ce futur lieu, ça sera aussi un lieu d'émancipation. Et ça, c'est chouette aussi, l'occupation par l'émancipation, les mouvements sociaux par l'émancipation. Et je vais en arrêter là, je ne vais pas m'arrêter. Je voulais réagir sur ce qui était dit tout à l'heure par Mirella, par rapport à la pression qu'on doit faire sur les institutions et les politiques. Et moi, je pense que la meilleure manière de faire les pressions, c'est en faisant des choses concrètement, même si ce sont des petites choses. Et cette chose-là, d'aujourd'hui, elle en fait partie pour moi. C'est déjà une petite chose qui est très importante parce qu'on s'est réunis, on s'écoute, on discute, même si on n'écoute pas, on discute quand même de ce qu'on sait. Et je me suis dit que ce serait bien qu'en dehors des rencontres avec les micros, que toutes ces associations, il y a certains représentants des associations que j'ai vues apparaître, il serait bien qu'on fasse des choses ici, sur cet endroit-là, régulièrement, dimanche, pas seulement le collectif, mais la cantine, qu'elle fasse un jour un truc ici. Là, je sais plus le nom des associations, toutes les associations de Belleville qui font partie du collectif, qu'on s'approprie déjà cet endroit, qu'on fasse déjà une sorte de dessin rêvé de ce qu'on a envie de faire, mais en le faisant et pas en parlant seulement. Et parce que la parole c'est bien, mais après je pense que la pression on le fait en action et toutes les petites actions elles se rejoignent et donnent envie aux autres. Donc moi je suis artiste, je fais des actions dans la rue, je sais comment ça donne envie aux autres et j'aimerais inviter les artistes de venir ici régulièrement et donner à cet endroit-là cette couleur-là qui est déjà en soi parce que c'est une scène, mais on a même le toit. On a fait un événement il y a 2 mois je pense avec un orage tout autour, il y avait la pluie, c'était magnifique, graphie de ouf, et on était une cinquantaine ou centaine parce qu'il a plu, donc on n'avait même pas besoin de faire la pub, les gens ils sont venus tout seuls. Donc vraiment, j'invite, je ne vous connais pas tous les gens des associations, mais sans rentrer dedans, après on te fait ça, mais sans rentrer dedans, on peut déjà faire vivre cet endroit-là et comme ça faire la pression. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Est-ce que on peut se dire si quelqu'un a quelque chose à non urgent, on se le dit, et après on coupe le micro et on passe peut-être aux discussions informelles. Voilà, je ne sais pas, c'est une proposition. Alors moi, juste vous rappeler que collectif Maison de l'air, maintenant en tant qu'association loi 1901, a une page Facebook où elle peut être contactée. Donc si vous avez envie de... Ou alors il y a une pétition, on a oublié d'en parler, mais bon. C'est là aujourd'hui un mail clairement écrit pour qu'on puisse vous recontacter si vous avez envie. Nous sommes en train de préparer une grande assemblée le plus tôt possible. Je pense que ce sera début janvier. Donc, pour ouvrir largement à la constitution et à la structuration de ce projet à venir. Voilà. Donc, soit tout de suite, vous voulez signer notre pétition en laissant clairement votre mail, ou bien table sur Facebook. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à tous les gens qui se sont déplacés. Et de toute façon, on continue nos rendez-vous du premier dimanche de chaque mois. Nous n'aurons pas un minimum d'assurance qu'il va se passer quelque chose en faveur d'un projet collectif ici-bas. Merci beaucoup. Éduque debout, merci. Et ça nous a fait revivre des choses. On a déjà, à certaines journées, certains dimanches, fait tourner les micros. Mais c'est bien que ça, voilà, si on peut le refaire, même avec vous, ce serait avec une grande joie. Et puis peut-être, s'il y a quelqu'un de votre équipe ou qui a envie de nous rejoindre, de rejoindre le collectif, mais de manière investie. Et de toute façon, tu as parlé tout à l'heure de la TEP. Ce serait bien qu'il soit aussi avec nous. Ce serait bien qu'il soit dans voilà, donc... en tout cas, regroupons-nous. Ok, merci. Tout ce qu'on, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais tout ce qu'on s'est dit a été enregistré, n'est-ce pas? Donc, il y aura un article avec les ODFO.